Je suis sorti de mon lit sans un mot, sans un bruit, pour aller écouter dans un amphi bondé un coureur abâché. Et pourtant j'étais gay, heureux d'apprendre à lire dans le passé troublé de ce que le monde a fait de pire. J'oubliais le chômage et le budget trop étriqué que le ministre, quel dommage, nous avait gentiment alloué. Nous écoutions affable, tous dociles et semblables, pensions à l'avenir, aux livres qu'il faudrait lire, au concours à venir. Et pourtant j'étais gay, heureux d'apprendre à lire dans le passé troublé de ce que le monde a fait de pire. J'oubliais le chômage et le budget trop étriqué que le ministre, quel dommage, nous avait gentiment alloué. Chômage